20, 15, observation, moquerie. Tu te moques de moi? Mais non, je ne me moque pas de toi. Vous vous moquez de moi? Vous vous moquez toujours de moi? Non, je ne me moque pas de vous. Je ne me moque pas d'elle. Je ne me moque pas de lui. Je ne me moque pas d'eux. Je ne me moque pas d'elle. Je ne me moque de personne. Je ne me moque jamais de personne.